Chapitre 16. Les tentations. La nuit semblait tout d'un coup être tombée des arbres, ainsi qu'un trop pesant fardeau. On partit enfin, chaque homme muni d'une torche, sauf Guitou qui fermait la marche, appuyé sur sa canne. Santou, du haut de son talus, regarda s'éloigner tous ces êtres bientôt confus, énormes, une bande de fantômes rouges, dans la fumée d'où sortaient des éclairs. Perrine et Claude avaient voulu accompagner les camarades jusqu'au faubourg. Ils marchaient bras à bras auprès de leur oncle, qui ne cessait de les complimenter. « Quels beaux enfants, tout de même! Que vous êtes gentils! Tu sais, Perrine, surveille ton père, j'ai confiance. Toi, Claude, tu sais, ne néglige pas Perrine. » Il riait, heureux d'entendre les flatteries et les espérances de l'oncle, de savoir une partie de son argent enfermée dans leur armoire et réservée aux dépenses du mois prochain, l'époque de la moisson. Ah, si Jérôme, au lieu de ressembler à son frère par l'imagination, lui avait toujours ressemblé par l'amour du travail et de la sobriété. Justement, à cette minute, l'imagination de Guitou travaillait. Ne comparait-il pas à son neveu et à sa nièce, le couple d'Agnès et de Luc? Ah, mon Dieu, on se moquerait des Guitou à Pézenas jusqu'à la fin des siècles si son fils épousait une domestique. Sapristi, répétait Guitou, quel couple vous faites, mes neveux? Je souhaite que votre cousin, si jamais l'idée lui vient de se marier, ait votre intelligence et votre bonne fortune. Il baissa la tête, ruminant sa colère de la même façon que Jérôme. Les camarades, dans le chemin, reprenaient de la gaieté à mesure. Ils jetaient l'un après l'autre leurs torches consumées, de sorte que l'on marcha bientôt en pleine ténèbres. Au penchant des talus, dans la vase des fossés, les rainettes poussaient leurs monotones cris. La brise apporta l'odeur des jardins et des vergers. Les murs blancs des enclos s'aperçurent dans l'ombre. Perrine et Claude, alors, ne voulant pas pénétrer dans la ville, s'arrêtèrent. « Eh bien, dirent-ils, nous vous quittons. »« Vous ne voulez pas venir, proposa Campal, à mon café français et vous rafraîchir d'un peu de bière ?»« Il se fait trop tard. »« Venez donc, insista Luc, qu'Agnès retenait par la veste. » Vous avez tort de ne pas venir. Nous prouverions au voisinage que nous savons jouir nous aussi. » Guitou, outré de l'audace de son fils, leva son bâton. « Je ne te reconnais plus, Guitounet. C'est toi maintenant qui conseilles les dépenses? Qui donc te fait tourner la cervelle? Ta cousine a raison, elle va se coucher. » « Mon père! Tais-toi, grand dromadaire! Je t'excuse parce que la journée a été chaude. Autrement ?» Tout le monde riait, même Guitou, sauf par exemple Agnès qui s'écartait comme un chien battu. Perrine et Claude disparurent dans le chemin, parmi les champs confondus, où parfois des ombres semblaient se poursuivre en galopade. Les camarades, cependant, atteignaient la grande route. Là, dans une émotion de gloriole, désireux de montrer leur endurance à la fête, ils se mirent à crier et à chanter aussi fort que s'ils eussent marché vers le soleil. Spontanément, ils se prirent les mains en travers la route de leur longue chaîne vacillante et, toujours avec des cris et des chansons, gravirent la côte qui monte sur la rivière et puis dévalent au planol. Ils dansaient fraternellement en jeunes farandoles, Campal et Soulérol menant le branle, Boispeau soutenant Durante, qui ne pensait plus au bon Dieu, Guitou brandissant sa canne, Agnès secouant à son bras ce fardeau de Guitounet, dont la bosse gênait un peu la danse. Aucun ne se souvenait plus du moulin, ni de Perrine et Claude. Ceux-ci, dans la nuit douce, ne se hâtaient guère, ayant l'intuition peut-être que le malheur les attendait à Roquemengarde. Leurs pas éveillaient des échos tristes, mais ils n'avaient point peur, pareils aux pauvres qui n'observent jamais la nature, puisqu'ils s'en vont tout simples, aussi indifférents que les plantes. Jérôme, tout à l'heure, après le départ de ses camarades, avait langui dans le silence de la vaste maison. À présent qu'on était engagé dans la noce, on ne pouvait pas aller se coucher comme un enfant, voyons. À Homme, sur la proche colline, des hommes de condition plus basse que la sienne s'amusaient. Il voulut s'amuser aussi. Ses goûts de ribote lui revinrent dans le bien-être du foyer, à la clarté de la lampe neuve qui montrait la maison ordonnée par Périne. Le travail allait bientôt commencer au moulin, on gagnerait de l'argent et on ne pourrait plus sortir. Quelle vie admirable tout de même! Jérôme se frotta les mains de plaisir et pilla les bouteilles vides sur la table. Il souriait. Doucement, le désir du jeu s'insinuait en lui. Et il claqua de la langue avec envie en songeant que là-haut, à la fête d'Homme, il roulerait sans effort des ruses de village, lui qui avait toujours habité la ville et savait calculer au jeu des combinaisons merveilleuses. Boire, constamment boire, ça fatigue l'estomac, le lendemain, on n'est bon qu'à dormir. Tandis que jouer, gagner de l'argent, c'est noble, ça développe l'intelligence. Maintenant, il avait le temps de déguerpir sans être surpris. Deux ou trois coups de rame à la barque de Pataloco et il aborderait sur le territoire d'Homme. Demain, avant l'aube, il se réveillerait tranquillement dans son lit sans avoir été soupçonné une seconde. Quelle joie pour ses enfants quand il leur offrirait peut-être un billet de 1000. Ainsi, tout en se promenant dans la cuisine, Jérôme jetait des regards de convoitise sur l'armoire. Il la palpait parfois, la flattait de même qu'une femme, avec des caresses. Il ouvrit enfin, se haussant un peu sur la pointe des pieds et retenant son souffle. Ses mains jalouses fouillèrent à l'étagère supérieure, parmi le linge où reposait, depuis le premier jour, l'argent sacré de Guitou. Malgré tout, il tremblait dans le silence de la nuit dont le mystère veillait comme une âme sur les hommes et sur les choses. Les arbres dans la cour frémirent. Jérôme eut un moment d'hésitation. Il crut entendre des pas, un bruit d'homme. Fiévreux, il s'empara vite de tout le magot et, ne repoussant qu'à demi les battants de l'armoire, épia vers le dehors, vers la porte grande ouverte. Dans la cour, il entendit le bruit d'homme plus distinct. Tout à coup, ses enfants entrèrent. Il les regarda stupidement, sans bouger, les sacs d'argent entre ses bras. Périne comprit le sacrilège. Elle s'arrêta sur le seuil, auprès de Claude, et demanda « Que fais-tu, mon père ? Est-ce que ça te regarde ? Tu prends l'argent, un argent qui n'est pas à nous ? Ça ne te regarde pas, fille ! » Pourtant, Jérôme n'osait sortir, embarrassé de ce trésor qui lui tenait les mains liées sur la poitrine. « Nous ne resterons pas longtemps ensemble !» s'écria la jeune femme avec emportement. « Le vice te possède !»« Fille, depuis que tu es mariée, tu m'insultes souvent, je devrais m'en souvenir !»« Toi, un voleur ? Est-ce possible, mon Dieu ? Nous qui, tout à l'heure, avec Claude, faisions de si beaux rêves !» « Ah, je vois bien que c'est fini d'espérer quelque chose de toi !» Il se défiait, Périne, toute blanche de douleur et d'effroi devant cet homme, lui, hautain, persuadé d'avoir sur ses enfants des droits absolus. Le silence persista, farouche, plein de menaces. Jérôme, cependant, s'attendrit peut-être. Sa conscience, plus lourde qu'une pierre, remua dans son cœur. Car, lent et triste, il remit sur l'étagère, parmi le linge, le trésor sacré. Puis, tandis que Périne, lasse, s'appuyait sur l'épaule de Claude, il dit d'une voix confuse « Allons, allons, faites l'amour, c'est votre âge !» Périne frissonna dans sa pudeur. Claude n'eut point de force, à cette heure, dans la maison solitaire. « Faites l'amour, c'est votre âge !» Ils levèrent le front, doucement, avec une honte, et, aussitôt, montèrent à leur chambre d'un pas inquiet.